Chapitre 6e. C'étaient bien les Panous, les pourvoyeurs du Dieu Rouge, qui avaient enlevé Riasanda. Au moment où la tourmente avait éclaté, alors que le cyclone détruisait une partie du bungalow et ébranlait le pavillon où logeait la jeune indienne, celle-ci ne dormait pas. Depuis 2 jours déjà, elle était en proie à une agitation dont elle ne pouvait se défendre. Un poids lourd oppressait sa poitrine et des pressentiments inexpliqués troublaient son cerveau. Il ne faut pas juger les âmes de ces créatures primitives avec nos idées de peuple civilisé. Il semble qu'elles soient simples et faciles à comprendre, par cette raison que leurs manifestations au milieu de nous sont rares et timides. En vérité, rien n'est plus compliqué que ses consciences rudimentaires. À peine si quelques souvenirs de sa famille, de son enfance, hantaient encore la mémoire de Riasanda. Né sur la lisière d'une de ces forêts de gomme sourd, dans laquelle les hommes n'ont frayé aucune route, elle avait passé des années auprès de sa mère, compagne d'un guerrier qui le plus souvent était absent et parfois revenant, ne lui témoignait que de l'indifférence. C'est qu'en effet il y a, chez ces peuplades, mépris absolu de la femme. À la naissance de chaque fille, il est une sorte de jugement rendu par le sorcier du pays. Selon son caprice, il lui accorde la vie ou la mort immédiatement. Si l'enfant est condamné, on la renferme dans une jarre de terre que le père va lui-même enfouir dans la terre, piétinant le sol, tandis que s'entendent encore les vagissements de la pauvre créature. Sauvée par l'arrêt du sorcier, elle n'en est pas moins indifférente au père, et la mère elle-même, si elle a des garçons, n'a d'affection que pour eux, ne donnant rien à sa fille que les soins indispensables. Et un malheur était passé sur la famille de Sanda. Elle avait 3 frères qui avaient été emportés par une de ces maladies endémiques qui naissent des miasmes des marais. La fille avait survécu, mais de ce jour il semblait qu'elle fût responsable de la mort de ses frères. Son père et sa mère paraissaient ne plus la connaître. La pauvre petite vivait en abandonnée, n'obtenant jamais une bonne parole ni une caresse. Sa mère avait été frappée à son tour et son père s'était résolu à s'expatrier, à monter dans le nord, pour s'y affilier à une autre tribu. C'était à ce moment que les Panous, en quête de chair humaine, étaient passés dans le gomme sourd. Chez le père de Ria, il trouvait un terrain tout préparé, la superstition à son plus haut degré, l'absence de tout sentiment paternel. Le sacrifice de sa fille à Manouk Soro, le dieu rouge, ne lui assurerait-il pas victoire et butin pour l'avenir? N'avait-il pas fait briller à ses yeux le fer d'une hache toute neuve? Ne lui avait-on pas offert pour son front l'aigrette superbe des chefs? Il avait vendu sa fille et Ria était partie, inconsciente, sous la conduite de ses futurs bourreaux. Le chef des Panous, Kondroé, l'avait emmenée dans sa tribu, toute voisine de celle des Kounds, et là, selon la coutume, pendant 6 années, il l'avait fait instruire par les femmes, ses complices. À mesure qu'elle grandissait, elle comprenait qu'elle n'était pas traitée comme une créature ordinaire. En effet, la future Méria devient un être quasi sacré, au premier rang dans les fêtes, saluée du rite encore incompris, mais flatteur, de fiancée du dieu rouge. Une fois par an, elle était conduite chez les Kounds, où elle assistait au massacre d'autres Méria, arrivée enfin à l'âge adulte. Si, la première fois qu'elle voyait verser le sang, qu'elle entendait les cris d'agonie, qu'elle se sentait marquée au front d'une tache rouge, elle était saisie d'une horreur terrifiante. Bientôt se manifestait en elle une certaine exaltation, qu'on entretenait soigneusement par des cérémonies rituelles, même par des breuvages alcooliques. Peu à peu, l'épouvante faisait place à une sorte d'orgueil, et la fiancée du dieu rouge attendait avec une sorte d'impatience le jour où elle serait appelée à remplir sa mission. Cette continuelle pensée de la mort, par son obsession, devenait comme une passion de névrosée. Les jeunes garçons, les jeunes filles, destinés à subir ce sort atroce, se réunissaient à certains jours, et c'était entre eux des jeux sinistres reproduisant les scènes auxquelles ils avaient assisté. Pour Riasanda, quand Sir William Lewis était intervenu dans sa vie, l'heure venait de sonner où elle devait être remise par les Panous au chef Kound et soumise aux dernières formalités de l'initiation. À peine avait-elle eu connaissance du traité qui se concluait entre son ravisseur Kendroy et Sir William. Pour elle, esclave elle était, esclave elle restait. Ce que ne savait ni Sir William ni même des Noirs, c'est qu'au moment où il la remettait aux mains de ses libérateurs, Kondroé s'était approché de la jeune fille et lui avait dit à l'oreille « Fiancée du dieu rouge, tu lui appartiens. répète après moi la formule du serment qui te lie à jamais à lui. » Et de sa voix rauque, en un dialecte que nul autour de lui ne comprenait, il avait dicté à la jeune fille frissonnante ces paroles qu'elle redisait. « Que la terre me refuse des fruits, que le riz m'étouffe, que l'eau me noie, que le tigre me dévore, si j'étais un jour par jour à Manuxoro, mon fiancé, mon époux. » des mots, comme dit Hamlet. Mais chacun d'eux s'était enfoncé au plus profond de l'âme de la jeune fille et s'y était imprimé en caractère ineffaçable. Et malgré tous les soins dont elle était entourée chez Sir William, alors même qu'elle semblait se plier aux exigences de sa vie nouvelle, apprécier les joies de cette existence calme et heureuse, une voix incessamment retentissait à son oreille, répétant le serment du Manuxoro. Elle-même avait cherché à oublier. Elle avait l'horreur de ces liens qui ne se desserraient pas, et elle s'efforçait de les briser. Mais, toujours, la voix maudite lui parlait à l'oreille, pénétrant jusqu'au dernier repli de son être. « Tu es la fiancée du Dieu rouge, tu as juré. » Pourtant, elle ne savait rien des mystérieuses révélations que Hadji avait faites à son maître. Aucun indice, si léger fut-il, ne lui avait signalé la présence de Kondroé aux environs du bungalow. D'où venait alors cette oppression, ces douloureuses étreintes qui lui serraient la poitrine? Ne s'évaderait-elle jamais de ce passé terrible? Cependant, une lueur s'était faite en elle. Cet Européen, ce Français si franc, au caractère si ouvert, à la voix si douce, avait murmuré à son oreille des mots qui lui avaient semblé appartenir à une langue céleste. Quand elle l'attendait, quand elle entendait son pas sur le sable du chemin, son cœur battait plus vite, le sang montait à ses joues. Un sentiment nouveau, exquis, qu'elle ne pouvait pas analyser, lui montrait l'avenir clair et lumineux. Quand il était là, elle n'était plus elle-même. Le passé disparaissait, et quand il lui parlait de l'Europe, de la France, de ces lieux où le soleil se faisait doux et caressant, elle oubliait les sauvages solitudes du Gomsour et rêvait d'un paradis, loin, bien loin, au-delà des mers. Mais à peine avait-il franchi le seuil que le spectre reparaissait, le fantôme sanglant qui lui faisait signe de le suivre. Dans la journée qui avait précédé la catastrophe, cette hantise s'était faite plus lancinante que jamais. Il lui semblait que le Dieu rouge fût là, à quelques pas d'elle, qui lui tendit les bras. Ce soir-là, la présence de Lucien lui-même n'avait pas pu chasser cette obsession. Et Pierre, sans le savoir, avait réveillé, avec une intensité singulière, le mal à peine engourdi. Quand Ria Sanda avait entendu cette mélodie étrange, le chant des Kundes, l'hymne du Dieu rouge, et qu'en même temps, dans un lointain de rêve, l'écho l'avait redit. C'était Conroy qui était cet écho, alors elle s'était sentie ressaisie tout entière. C'était le Dieu rouge qui la pressait dans ses bras, qui la forçait à se lever, à danser la danse sacrée de la mort. On l'avait transportée dans sa chambre, là, inerte, les tempes bourdonnantes, les yeux fermés, elle écoutait encore ses accents d'épouvante. Tout à coup le vent avait rugi, la terre s'était soulevée, partout des cris, des râles, des convulsions effrayantes. Et voici que Kundroé avait surgi devant elle, violent, irrésistible, émissaire du Dieu rouge qui venait reconquérir sa fiancée. Puis la galopade effrénée à travers l'eau bondissante, à travers la forêt dont les arbres craquaient, sous le ciel qui lançait des clameurs de mort. Elle s'était évanouie, perdant le sentiment des êtres et des choses, emportée comme dans un cauchemar. Que se passait-il? De quel côté se dirigeait-on? Elle ne pensait plus, ne raisonnait plus. Seulement, elle sentait que de temps à autre, on lui mouillait les lèvres d'un breuvage à la saveur âpre et brûlante, dont quelques gouttes roulaient dans sa gorge. Alors sa tête s'enfiévrait, du feu courait dans ses veines, et dans le furieux élan des chevaux, c'était comme une course infernale qui la brisait. Combien de temps avait-elle duré? Elle n'avait pas été un seul instant maîtresse de sa pensée ni de sa volonté. Quand elle était revenue à elle, elle était debout au milieu de femmes qui chantaient et dansaient autour d'elle. Elle se vit ayant au front un diadème fait de pierres qui étincelait, les bras sertis d'or, les mains couvertes de bagues. Une des femmes s'agenouilla devant elle et lui présenta une longue baguette dont l'extrémité était garnie d'une pointe d'acier. Une autre lui posait aux épaules un manteau écarlate, constellé de signes bizarres, retenu par une cordelière d'or qui retombait sur sa poitrine. Puis, la porte de la hutte où elle se trouvait s'ouvrit toute grande, et une haie de guerriers se forma, et quelqu'un la poussa en avant. Elle marcha. Les Kundes, car c'étaient eux, se tenaient fièrement, dans une immobilité presque hiératique, nus jusqu'à la ceinture, avec leurs pectoraux saillants et leurs muscles qui semblaient sous la peau bronzée des cordes de fer. Sur la tête de la Méria, enfin reconquise, ils étendaient leurs lances qui se croisaient et formaient voûte. Elle passait. Alors les guerriers la suivaient, formant cortège, et maintenant c'était le peuple, un millier d'hommes et de femmes qui, à peine contenus par les gardes, se pressaient vers la Méria. Des cris joyeux éclataient. Qu'elle était belle, la Méria, la bien-aimée de Manuk Soro. Tout à coup, les rayons du soleil levant glissèrent entre les nuages, magique irradiation qui éclatait comme le reflet d'une fournaise. Devant la Méria, tous s'écartèrent et elle vit, se dressant devant elle, l'idole monstrueuse, Manuk Soro, au milieu des trois pierres symboliques qu'on dit tomber du ciel, le dieu rouge avec son mufle de taureau, ses hanches d'éléphant, ses pieds de bouc. Vers elle, un homme marcha, le prêtre Kondroé, le panou, le sacrificateur, une sorte de géant au masque simiesque. Riyasanda souriait. L'ivresse sacrée s'était emparée d'elle. L'atavisme du fanatisme l'avait reconquise. Mille voix l'acclamaient. Les instruments vibraient sous les doigts précipités des femmes, tandis que les hommes faisaient voler en l'air des bandes de drap rouge qui étincelaient sous le soleil comme des oiseaux de pourpre. De la ceinture de Kondroé, un large coup de la jaillit, jetant dans l'air la lueur brusque d'un éclair. Était-ce donc la mort? Ria souriait toujours. Mais, vers Kondroé, deux Kounds étaient accourus, traînant un mouton noir qu'ils renversèrent sur le sol. Kondroé, d'un seul coup de son arme, le fendit en deux, et le sang gicla, flot écarlate, qui retomba sur la terre en pluie, maculant les pierres sacrées, mouillant les pieds de l'idole. Et d'autres béliers, des oiseaux, un cheval, subitement furent traînés, jetés devant Manuk Soro, et la fête rouge prit un caractère effrayant. Le sang coulait, sautait, éclaboussant les hommes et les pierres, s'étendant en une mare hideuse qui se coagulait. En même temps, la foule, saisie d'une frénésie délirante, enivrée par les âcres fumées qui montaient, poussait des hurlements d'aliénés, tandis que les instruments de toute nature, rauques trompettes, sistres tintants, sitars vibrantes, tous les banjos primitifs, tous les tambours sans forme, tout ce qui résonne, glapit ou hurle, jetaient dans l'air surchauffé leur cacophonie démoniaque. Puis, c'était une danse tournoyante, une démence exubérante de gestes, de contorsions, de trépignements convulsifs. Et au-dessus, Kondroé, se baissant et se relevant, trempait ses doigts dans le sang et secouait la pluie rouge sur la foule pressée, avide d'être marquée d'écarlate. Au-devant, la Méria restait toujours immobile, les yeux mi-clos, comme hypnotisés par ce vertige affolant, engourdis par la double ivresse de la liqueur et du bruit, dans l'attente du coup mortel. La cérémonie, d'ailleurs, touchait à son dénouement. Les hommes haletants, les femmes lassées, ralentissaient leurs mouvements dont la perpétuelle giration les avait étourdis. D'instant en instant, des corps épuisés s'affaissaient sur la terre. Les guerriers, brisés de fatigue et d'alcool, laissaient échapper leurs armes et titubaient. Mais le dieu rouge allait leur rendre leur vigueur, revivifier, surexciter ces organismes exténués. Les femmes, tout à coup, se jetèrent sur Riyasanda et, l'enlevant de terre, d'un bond, la portèrent sur les genoux du dieu rouge. Et avec un cri de triomphe, lançant l'appel fatidique à l'idole féroce et avide, Kondroé leva son glaive. Mais avant qu'il fût retombé, des détonations formidables avaient éclaté derrière la statue de pierre, tandis qu'une lueur rouge, comme d'un feu de Bengale, l'enveloppait tout entière. Et sur le socle, un homme s'était dressé, enveloppé des pieds à la tête d'une robe de pourpre, ayant au front une sorte de tiare étincelante. D'un bras vigoureux, il avait précipité à terre le bourreau surpris, puis saisi dans ses bras la jeune fille, immobile comme une morte, et l'avait remise aux mains d'autres hommes cachés derrière les pierres du sacrifice. « Allez, leur dit-il rapidement, au grand galop, par la route que je vous ai indiquée. Mais vous-même, ne craignez rien, je serai au rendez-vous en même temps que vous. » Toute cette scène s'était passée avec la rapidité de l'éclair. Devant cette apparition fulgurante, les Kounds s'étaient précipités sur la terre dans l'attitude de l'adoration. Et maintenant, l'hindou Denwar, car c'était lui, était descendu du piédestal et lentement marchait à travers les corps prostrés. Était-ce une illusion? Était-ce prestige magique? On dit que les prêtres de Ceylan initié au plus antique mystère de la haute science, possède des secrets qu'il rend maître de la nature. Les vêtements de lait noir, son visage, ses mains qu'il tenait étendues sur la foule, semblaient resplendir d'une lumière surhumaine. Et ceux qui osaient le regarder criaient avec passion « Manuxoro, le dieu rouge !» Mais Kondroé s'était relevé. Celui-là n'était pas dupe. Il avait tout vu, tout compris. Il avait reconnu l'Indo des Noirs, souvent rencontré par lui dans le Gundawar. Avec un cri de bête féroce, il s'élança, courant sur les corps étendus, écrasant les mains et les visages. Il courait, la hache au poing, furieux, menaçant. Déjà, il n'était plus qu'à quelques pas de des Noirs. Derrière Kondroé, les Kuns peu à peu s'étaient redressés, partagés entre le respect superstitieux pour l'idole qui leur apparaissait vivante et la vénération qui s'attachait au panneau sacrificateur. Mais au moment où Kondroé allait atteindre des Noirs, celui-ci se retourna et d'une voix tonnante « Manuxoro veut du sang » cria-t-il. « Manuxoro veut la mort de celui qui l'a trompé. Kund, Manuxoro a condamné Kondroé. Exécutez son arrêt !» Et ces stupides fanatiques, sans comprendre, sans raisonner, obéissant à l'ordre du dieu rouge, se ruèrent sur Kondroé. Les femmes, les hommes, ivres de l'odeur du sang, l'enveloppèrent, cherchant à le saisir et à le déchirer. On le vit pendant quelques instants dressant sa taille énorme, brandissant l'âge qui se levait et retombait. C'était un horrible concert de cris et de râles. Puis il fut englouti dans cette vague hurlante. L'Indo des Noirs avait disparu.